Chapitre 6e. Une rencontre à l'abbaye. Emilienne était seule dans son salon de travail. C'était une élégante pièce tendue en soie cramoisie. Devant les fenêtres ouvertes, donnant sur un jardin, des rideaux de tulle garnis de dentelles retombaient flottants. Aux angles, des colonnes de bois sculptées supportaient des vases de fleurs. Une bibliothèque sculptée comme les colonnes renfermait des livres d'études, d'histoire et de piété. Un sofa et des chaises basses en tapisserie occupaient les côtés. Sur une grande table, recouverte d'un tapis, se trouvaient des dessins, des broderies et des ouvrages de laine. Mais la jeune fille ne travaillait pas. Les fleurs languissaient sur leurs tiges et les livres étaient oubliés. Elle était vêtue d'une simple robe verte, retenue par une ceinture aux agrafes d'or. Ses longs cheveux étaient nattés sans aucun ornement. Elle marchait avec agitation, puis s'arrêtait pour soulever le rideau de tulle. Elle regardait au dehors et ne voyant personne, retombait assise avec accablement. 5 heures sonnèrent à l'horloge du palais. La porte s'ouvrit, Catherine parut. « Enfin !» murmura la fille du gouverneur. Elle courut vers sa nourrice. « Eh bien » dit-elle en l'interrogeant du regard. Catherine secoua la tête avec tristesse et ne répondit pas. « Rien ?» s'écria la jeune fille. « Rien !» répéta la nourrice découragée. « Mais as-tu vu Vincenzo ?»« Oui, j'ai vu messire Thibault. Il ignore comme nous la retraite de monseigneur du Puget. » « C'était ma dernière espérance, » murmura Emilienne anéantie. « C'est extraordinaire, » reprit Catherine. « Messire Guillaume a subitement disparu depuis l'attaque des Lansquenets. »« Alors il est mort dans le combat, » dit la fille du Viguier en pâlissant. « Non, on aura au moins retrouvé son corps, mais il est parti peut-être. » La jeune fille fondit en larmes. « Son absence ne saurait être longue. Il reviendra, » disait la nourrice. « Oui, quand le siège sera terminé, quand je serai devenu le prix du vainqueur. » Ses pleurs redoublèrent. La douleur d'Emilienne déchirait l'âme de Catherine. « Si au moins le père Anselme était là, » répliqua-t-elle, « sa douce voix s'est si bien consolée. » Les pleurs de la jeune fille s'arrêtèrent. « Le père Anselme, nous l'avons oublié, » dit-elle, « et il pourrait savoir. » Elle se leva vivement et passa dans sa chambre à coucher. Elle jeta la hâte sur ses épaules une légère mante à capuchon et rejoignit Catherine. « Viens, » dit-elle en essuyant ses dernières larmes. « Allons consulter le prieur. » Les deux femmes sortirent du palais par la porte du jardin, accompagnées de 2 serviteurs. Elles descendirent la rue de la prison jusqu'au quai du port. Une barque attendait. Emilienne y entra. 6 matelots soulevèrent leur rame et le pilote hissa un pavillon armorié. C'était la chaloupe du gouverneur. La fille du Viguier et sa nourrice s'assirent sur des coussins de velours. Les 2 serviteurs restèrent debout à la proue. « À l'abbaye de Saint-Victor, » dit la jeune fille. Les matelots agitèrent leurs rames et l'esquif glissa sur les flots. Le port, si encombré et si bruyant d'ordinaire, était morne et presque désert. Les vaisseaux étrangers qui apportaient les produits de toutes les nations dans l'opulente cité s'étaient enfuis avec leurs trésors à l'approche du connétable. La guerre est le fléau du commerce. Elle trouble la sécurité publique. Elle est féconde en ruines imprévues, en infortunes terribles. Le commerce ne peut fleurir que sous la douce influence de la paix. Emilienne, livrée à ses réflexions, resta les yeux fixés sur l'onde transparente, tiède encore de la chaleur du jour. En quelques minutes, la barque atteignit la rive opposée. Les 2 femmes montèrent les 2 degrés qui conduisaient de la mer à l'abbaye. L'église était ouverte. Emilienne y entra avec la nourrice. Les serviteurs s'arrêtèrent. Catherine suivit une galerie pour aller demander le prieur. La jeune fille s'appuya sur la balustrade du sanctuaire et pria. Sur les marges de l'autel était agenouillé un novice de l'abbaye. Sa tête était nue, ses cheveux noirs et brillants retombaient sur la bure blanche de sa robe. Il s'inclina lentement, son front toucha les dalles bénies et s'éloigna de l'autel. Quand il passa devant la grille qui entourait le sanctuaire, Emilienne tendit ses bras dans le vide, poussa un cri étouffé et s'affaissa sur le sol. Le novice entendit ce cri. Il regarda autour de lui, vit une femme étendue sur la pierre, franchit la grille et s'avança pour la secourir. Il la souleva dans ses bras et frissonna en reconnaissant la fille du gouverneur. C'était Guillaume. « Comme je l'aime !» se dit du Puget en la serrant sur son cœur. « Faudra-t-il qu'elle l'ignore toujours et que je vive enveloppé d'un vêtement de moine ?» Catherine revenait. Au bruit de ses pas, le novice déposa la jeune fille sur les marches et regagna le sanctuaire. La fraîcheur des dalles, et peut-être aussi l'étreinte du chevalier, fit revenir Emilienne à la vie. Elle se leva à demi en voyant Catherine. « Hélas, madame !»« Le prieur est en retraite, » dit la nourrice. « Il demande au ciel de l'éclairer sur la vocation d'un novice. Nous ne le verrons que demain. »« Sortons, » dit la fille du viguier d'une voix sombre. « J'ai besoin d'air. » « C'est une vision, » se dit-elle en s'éloignant. Avant de franchir le seuil de l'église, elle promena son regard sur les profondeurs de l'enceinte sacrée. Guillaume était immobile près d'un pilier. « C'est bien lui, » murmura-t-elle. « Je ne le disputerai pas à Dieu. Il est perdu pour moi. » Ses serviteurs la soutinrent et l'amenèrent chancelante jusqu'à la barque. La prière du père Anselme avait été entendue. La vocation du novice avait été décidée. Le soir même, Guillaume déposa sa robe de bure et redemanda son épée.